a perdu un bango mama le billet, perdu un bango mama le billet, son bel en bas, son ma vélo, son guetano yen en boca, oye coco sanga mama, la morning bangote, la morning bangote, la morning bangote, la morning bangote, parti nanga, je m'en bats le bonga et sa la mama. Sagoya linginga pana mbanga, sagoya linginga pana kitaka, sagoya linginga pana kolia, toringana, tokana, tosakana, tokana bongo tokosua. Bipana bipa, wando. Mama, urudwa. Lola kaba kuto na le le le le le le le le le le le o. Mama o, oyokite, ebuni yango, obuni na bolondo kamabe. Piano, Tindana, Vitoria, Caracalicatuna,